phrase du futur. Réveille les cœurs, dans quel du tout. Je marche au gratin, cette société là. Les frais de temps, les bruits de vie. Cette société pas de leur travail de sale. La phrase du futur, la phrase du futur. Elle n'a pas qu'elle allure. La phrase du futur, la phrase du futur. Aura ta posture. Nous ne voulons pas de ce monde. Nous ne voulons pas vivre ainsi.